Et toi, si parfait, on a pris la vie à l'envers. On mourra pour rejoindre la terre. Et Dieu, si tu m'entends, je suis ici sur la nuit, je prends ta vie. Laisse-moi te voir un instant. J'ai tous tes traces, touche-moi jusqu'à ce que ton corps lâche. Jusqu'à moi, tu peux me battre, me sentir, sentir mentir. Et te me tire dans mes bras. Tu vois, je pense à toi. Pleurant dans tes bras, j'ai tué ce qui est chez moi, trop défait. On a mis la mort de côté et on vivra encore pour l'appeler. Angel, si tu m'entends, je suis ici sur la nuit, je prends ta vie. Laisse-moi te voir un instant. J'ai tous tes bras, touche-moi jusqu'à ce que ton corps lâche. Veux-tu descends jusqu'à moi. Et tu vas m'attirer, ressentir, sentir mentir. Et te me tire dans mes bras. Tu vois, je pense à toi. Tu vois, je pense à toi. Crois-tu pouvoir me voir sans histoire, me voir sans départ? Crois-tu pouvoir me croire sans descendre, me prendre sans attendre?